qui brûles ta vie par les deux bouts. Toi qui poursuis des rêves de plus en plus fous. Toi qui mélanges le poudre des saisons. Tu es heureux, tu es heureux. Toi qui as pour pays les quatre horizons. Toi qui as pour bagage que tes chansons. Toi qui trouves que la vie a du bon. Tu es heureux, tu es heureux. Toi qui cueille en chemin des brins de romarin et qui ne parvient pas, pas à fixer tes pas. Toi qui vis du jour au jour le cœur rempli d'amour. Tu es heureux. Toi qui trouves banal les plus belles escales. Toi qui va, qui t'en vient sans penser à rien. Toi qui jamais ne reste sous un ciel gris. Tu es heureux, tu es heureux. Toi qui vis et qui dors de mille façons. Toi que chacun appelle le vagabond. Toi qui vis de rêver d'aventure. Tu es heureux, tu es heureux. Toi qui cueille en chemin des brins de si différent de moi. Toi qui brûles ta vie par les deux bouts. Toi qui poursuis des rêves de plus en plus fous. Toi qui mélanges le cours des saisons. Tu es heureux, tu es heureux. Toi qui as pour pays les quatre horizons. Toi qui as pour bagage que tes chansons. Toi qui trouves que la vie a du bon. Tu es heureux, tu es heureux. Toi qui cueille en chemin des brins de romarin et qui ne parvient pas, pas à fixer tes pas. Toi qui vis du jour au jour le cœur rempli d'amour. Tu es heureux. Toi qui trouves banal les plus belles escales. Toi qui va, qui t'en vient sans penser à rien. Toi qui jamais ne reste sous un ciel gris. Tu es heureux, tu es heureux. Toi qui vis, qui dort de mille façons. Toi que chacun